bonhomme et chef de gare au village des Scampettes. Si bonhomme et chef de gare au village des Scampettes. Son train passe à 8h du soir, à moins qu'il ait du retard. Si bonhomme et chef de gare au village des Scampettes. Son train passe à 8h du soir, à moins qu'il ait du retard. Passe à l'heure.